une soirée par chez nous. Woo! C'est quand on lâche le trou. La soirée commence simplement, les gars, une à une rentrent dans mon corps tranquillement. Sors l'argent, sors l'argent. Mais bientôt pour attendre, quand tu t'en ça va nous coûter un bras sacrement. La soirée est commencée, y'en a déjà une coupe de calé qu'on est en train de se mêler sur du beat qui fait danser. Faudrait penser à y aller. Qui prend le volet, n'importe qui, pourvu qu'on se rende à bonne place au bon moment. C'est pas correct, c'est pas grave parce qu'il y a des tics, faut qu'on s'en check. On amène nos filles, question de faire un échange. Ce soir, je me pogne des connes, fac, faut que je retrousse mes manches. On approche, on cache des bières dans nos poches. Devant le bar, une file d'attente, c'est chiant, j'ai pas le goût d'attendre. Je suis rendu dans le bar, il fait noir, la musique joue fort. Toutes les bouches du jour sont rendues des pétards du soir. J'aurais le goût d'aller danser, mais y'a juste des gars sur dance floor. De bar, je tourne de bar, je donne le bar à mes abords. Y'a une belle chick, ça prend la blaze. Je l'impressionne à lui montrant mon coach Johnny Blaze. Sérieux, côté Jiki, personne m'accote, même pas base. Je la cause en espagnol, avec mon haleine d'alcool. Y'a du beef avec son jumpy, ma gueule en créole. Y'a un problème parce que un blanc, c'est pas normal, c'est sacrament. Un pis fuck that, j'ai pas le goût de me battre, je vois ailleurs. Sûrement que la conne se smile sur ma canette des maillots qui attend juste un mec fresh. Avec du cash, un genre qui compte tout ça veut du sexe. L'ambiance devient chaude. Au centre de la piste de danse, une dame autour de 15 gars qui rôde. Oh, t'es vous? Je danse comme un dieu, toi le gars dans le bar m'arrive mes poches. Nous, plus je regarde les chicks, plus mon dick fait un garde à vous. Ok, c'est l'heure, on va ailleurs. Si c'est belle, je pousse à l'écart. Changement de bord, on va quatre bars. On veut boire comme des bars. À notre façon, disons qu'on s'en vient chaud. Je commence à filer un peu révolté, je m'en viens pas. On est claque, on skip les tracks pour en trouver une qui danse. Maintenant c'est le temps qu'on débarque. Nouvelle place, nouveau décor. Nickel, il est pas trop tard. C'est pas parce qu'il fait noir qu'il est nécessairement tard. À force d'y penser, j'commence à avoir des remords. Plus de cash, puis j'suis des crises. Mon subconscient me tourmente pour me dire que j'suis pas réaliste. T'es-tu fier de toi, là? Non. T'aimes-tu ça dépenser ton argent, même? Non. Puis tu vas-tu recommencer? Ouais. Ça finit quand? Ça finira! Yeah. Quand ça finira? Si vous êtes amené par tes sans mots et j'passe une pousse, m'en ramasser un chum, pis front les gueux qui se trémousse. Les filles sont bien habiles pour faire monter le prix de mon bill. Paye un drink par-ci par-là, hein, mais si me remercie pas, tout d'un coup, oh oh, le DJ pousse du latino. Les filles qui se passent discrètement arrivent à leurs atouts. J'avais à peine vu une belle fille, maintenant y'en a partout. Chant mon gel, ma chemise, essentiel pour avoir une prise. Les filles qui étaient coincées déchirent leur peine pour faire des chutes. La plupart qui avaient l'air straight, maintenant ressemblent à des putes. Je me présente au comptoir, je me commande de quoi boire. Je suis type à serveuse en quantité industrielle. J'aurais le goût de dire qu'elle est belle, mais tout ce qui sort c'est des voyelles. Plus la soirée avance, plus les bières se multiplient. Si ça continue comme ça, va me falloir de quoi comme appui. Mais tout d'un coup les lumières s'allument. Les culs que je trouvais tellement tête, ils ont pris du volume. Je veux venir savoir, il rentre du temps pis je suis tanné. À la sortie des bars, y'a du pifon qui a trop pacté. J'ramasse mon petit monde pis on part parce qu'il est tard. Le mec de nous attend, on se dirige là sans trop le savoir. J'suis bourré, pacté. J'en ai vécu, mais c'est pas assez que j'entends parler d'after. Y'en a qui s'en vont là, mais moi je t'amène pis ça me nectar. Ok, on rentre chez nous, mon linge le mets un peu partout pis je m'endors. Le vendredi soir, même affaire, même histoire. Une soirée par chez nous, c'est quand on lâche de fou. La soirée comme